On va parler des castors de Dolbeau avec l'instructeur-chef Daniel Tremblay. Ça va vraiment bien pour les castors de Dolbeau. Salut Daniel! Salut Daniel! Oui, ça va bien, Daniel. Coudonc, vous êtes en feu? Écoute, j'ai envie de te répondre qu'on a le résultat du travail et des efforts qu'on met. Les joueurs travaillent très, très fort à l'entraînement, respectent bien les consignes lors des matchs. Je pense qu'ils prennent ça au sérieux. On a du plaisir à travailler. On essaie de leur faire des entraînements qui sont constructifs, qui sont complètes, autant au niveau technique que stratégique. Puis jusqu'à maintenant, les jeunes écoutent à merveille, puis ça apporte tout. Puis le moral doit être vraiment bon pour l'équipe. J'imagine d'avoir ça. T'sais, l'année passée, ils ont perdu, puis là, cette année, c'est un revirement de situation vraiment extraordinaire, hein. Écoute, pour ceux qui jouaient l'an passé, c'est du tout au tout. C'est pas le même groupe de jeunes, pas pantoute. Donc, c'est vraiment beaucoup plus facile cette année, je dois te dire. Donc, ceux qui étaient là l'an passé trouvent ça merveilleux cette année, avec raison. Pour ceux qui sont montés du Bantam, ben eux avaient perdu également toute l'année passée. Donc, eux autres trouvent ça merveilleux aussi. Mais tu sais, quand ça va bien, c'est facile. Quand tu cumules les victoires, c'est facile. Des fois, par contre, ben, ça prend pas un gros changement pour que ça devienne rapidement des petits conflits. Mais on essaye de rester près des joueurs, puis on essaye de garder le cadre. Ça reste comment des joueurs? Parce que j'en parlais justement avec quelqu'un qui est très près du hockey mineur de l'équipe cet après-midi. Puis je lui disais qu'il y en avait beaucoup des rapides, mais il me disait non. Il dit c'est beaucoup de joueurs de deuxième année cette année. Donc, des joueurs qui étaient avec les rapides l'année passée, il y en a comment? Des joueurs avec les rapides l'année passée, il y en a, je te dirais, quatre maximum. Okay. Puis là-dessus, ben j'ai aussi deux jeunes qui arrivent du Bantam 2A. OK. Philippe Leroyer. Puis les autres, j'ai deux. Oui, exactement. Philippe Leroyer puis Jean-Simon Pelcha. Après ça, j'ai deux deuxièmes années, donc qui étaient les premières années l'an passé. J'en ai juste deux, en plus des deux gardiens. Puis les autres, c'était des troisièmes années. OK. Dis-moi, quand des joueurs des joueurs qui reviennent du 2A, ça paraît-tu bien? C'est des joueurs améliorés, sûrement, hein? Là, paraît, hein? Ben, écoute, je pense que les petits gars ont été surpris un petit peu de la qualité du jeu. Okay. Ils s'attendaient pas que dans le 2B, que le jeu allait être aussi rapide, aussi bien organisé. Parce que quand tu arrives du Bantam, puis tu tombes dans le midget, il y en a qui ont trois années de plus vieux que toi. Donc, il y a des bons gaillards là-dedans. Puis, au niveau de la maturité également. Sauf que moi, ce que je remarque beaucoup au niveau de ceux qui arrivent du 2A, c'est vraiment au niveau de l'éthique de travail. Okay. Ils ont une très, très, très belle éthique de travail. Ouais. Ça, ben, je lève mon chapeau aux entraîneurs du 2A par rapport à ça, parce qu'ils ont une éthique de travail impeccable. Quand tu fais du tableau, t'as pas à être inquiète, les yeux sont sur toi, puis, tu sais, ils respectent les consignes, puis ils recommencent, puis ils restreignent tant que ça marche pas. Puis, c'est vraiment au niveau de l'éthique de travail que ça fait de la différence. Ben, c'est une école de la vie aussi, hein? Exactement. Ouais, c'est une école de vie aussi. Bon, en fin de semaine, c'est quoi pour les castors? En fin de semaine, il se passe quoi avec les castors? OK, en fin de semaine, on joue dimanche soir à Dolbeau à 19h contre le Marco Sport. Oui, c'est vrai. Donc, ça va être un très, très bon match. J'en doute pas, puis j'en profite pour inviter les gens à venir encourager les joueurs, parce qu'ils le méritent vraiment, puis ça devrait être un match, au-dessus des deux premières équipes au classement, mais ça devrait être un match super. Et un bon test aussi, parce que le Marcos Pop, ça fait des années que c'est une grosse équipe, c'est la meilleure équipe de la Ligue, et pour vous autres, là, c'est un test aussi. Là. Ben, c'est un très, très beau test, puis effectivement, comme tu le mentionnes, c'est une grosse machine, le Marcos. David Boudreau fait un travail magnifique avec ses jeunes et son personnel d'entraîneur. Puis c'est une équipe que tu te dois de respecter énormément. Okay. Mais c'est sûr que toi, tu dois apprécier ça parce que tu es très occupé, tes fonctions, puis tu as d'autres choses également. Mais jouer un match par semaine pour le tempo, comment tu trouves ça jusqu'à maintenant? Parce que là, vous allez le rattraper. Là. Il va y avoir des semaines qu'il va y avoir deux matchs. Là. Comment tu trouves ça en début d'année, jouer un match par semaine demain? Bon, moi, je trouve ça très difficile parce que les jeunes, tu sais, ça lui fait rien qu'à peu près 4h30 de place par semaine. Puis moi, je trouve que c'est vraiment pas beaucoup, mais on a fait on a mentionné nos doléances à la ligue. Puis on espère que les autres années, ça va être mieux. Comme tu sais, on va avoir joué 9 matchs à domicile, un seul match à l'étranger. Okay. Ouais. Ça, je trouve que ça n'a vraiment pas de bon sens. Okay. C'est beau que de le beau, c'est loin, mais nous autres, quand on va au Saguenay, c'est loin aussi. Ben oui, c'est clair. Il y a une campagne de financement qui s'est mise en branle du côté des Castors. C'est sûr que c'est pas ton dada, c'est pas ton domaine, mais quand même, t'es quand même au courant de. Tu peux nous informer les auditeurs. J'ai vu passer ça sur les médias sociaux. C'est une. Moi, je pensais que c'était une caisse de vin qui était à vendre, mais c'est pas ça que tu me dis là. Non, en fait, c'est on vend des billets pour faire tirer une caisse de vin. Okay. C'est ça. Donc, c'est des billets qui se vendent au coût de 5$. Comme tu l'as mentionné, là, je suis pas trop au courant. Ouais. Mais je sais que c'est des billets au coût de 5$ chaque soir ou chaque parent, je vais dire plutôt que ce moment. Ouais. Chaque parent a un nombre égal de billets. Puis ça, ben c'est pour aider à financer là, l'équipe des Castors. Est-ce que c'est un bon budget, là, courir les assistants, courir les tournois et ainsi de suite? Donc, ça demande beaucoup, beaucoup pour financer un club de hockey. Daniel, on sort. Écoute, le plus gros du financement, tu auras deviné que c'est au niveau des transports. Ouais. C'est vraiment au niveau des autobus, les tournois, puis les hôtels. Fait que, effectivement, fait que je pense que. Tu sais, à Dolbeau, ben, veut pas, on est sur la route plus que toutes les autres équipes, donc faut payer ça. Dis-moi, au niveau, tu parles de route, tu parles de revenus, le fait que les ambassadeurs, le fait que vous gagnez régulièrement, les assistants doivent être meilleurs? Ben, c'est très bien jusqu'à maintenant. Il y a eu deux fois qu'il y avait un petit peu moins de monde, mais on avait un match en après-midi, puis un deuxième match le soir. Fait que là, il y a eu un petit peu moins de monde. Mais non, c'est excellent jusqu'à maintenant. On n'a pas à se plaindre du tout. Puis la chance qu'on a, c'est que on a joué juste une fois en même temps que les éperviers juniors 2A. Fait que ça, ben c'est le fun parce que t'as pas besoin de te séparer les spectateurs. Effectivement. On s'en parle jeudi prochain, Daniel. Merci. L'instructeur-chef des Castors de Debout, Daniel Tremblay.